Emma, avant toi je ne suis pas certain qu'un jour mon cœur Emma, Emma, je voudrais mourir entre tes reins, tout comme aussi l'amour, c'est bien le même baratin, toujours le même schéma. Emma, mon cœur saigne en pensant à tes seins, il fait de l'ex. Emma, Emma, dans tes bras je suis un peu crétin, comme sous MD. Emma, Emma, quand elle est ambiguë, ce qu'elle retient, ce n'est rien que le E. Tréma, Emma, ne sois pas triste pour mon destin, il récolte ce qui plus supporter mon chagrin sans incertaine. Et moi, avant toi je ne suis pas certain qu'un jour mon cœur Emma.